Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, Tony Musulin, le convoyeur, devenu voleur. Au printemps 2013, sort sur les écrans de cinéma le film intitulé 11,6, réalisé par Philippe Godot et avec François Cluzet dans le rôle principal. Il nous plonge dans l'histoire d'un convoyeur de fond solitaire, à la vie terne et banale, un homme qui va basculer de l'autre côté du miroir pour devenir lui-même voleur. Toute l'histoire portée à l'écran est vraie. Elle est tirée d'un fait divers retentissant. Un jour de novembre 2009, un transporteur de fonds prend le large avec son fourgon et fait main basse sur son chargement 11,5 millions d'euros, le tout sans la moindre violence ni le moindre coup de feu. Cet homme, c'est Tony Musulin. Aujourd'hui, après un procès en appel et 4 ans de prison, le plus célèbre convoyeur de France a retrouvé la liberté. Mais pour de nombreux observateurs, l'affaire Musulin, elle, n'est pas terminée. Et elle continuera d'alimenter tous les fantasmes et toutes les rumeurs tant qu'on n'aura pas retrouvé les 2,5 millions d'euros qui ont disparu lors du braquage. Alors, Tony Musulin a-t-il caché cet argent en attendant sa sortie? Comment a-t-il monté son coup? Quel est le vrai visage et l'histoire de cet homme? Après le récit, nous recevrons la journaliste Alice Géraud de la rédaction du site d'information Les Jours. Elle a rencontré Tony Musulin à plusieurs reprises lors de sa détention. L'ex-convoyeur lui a confié toute son histoire. Alice Géraud en a tiré un livre en 2011 intitulé Tony 11,6 ou 11,6, dont le film du même nom est tiré. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien de documentalistes de Radio France. Attachée de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Juliette Delperrou. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Jeudi 5 novembre 2009, il est un peu plus de 8 heures. Ce matin, une pluie fine s'abat sur Lyon. Le ciel est gris, l'air est frais. Dans le 7e arrondissement de la ville, rue Massimi, derrière les voies de chemin de fer, les hommes de la société de transport de fonds Lomis se préparent pour une nouvelle journée de travail. Comme à chaque service, le rituel est immuable. Ils arrivent, ils pointent, ils enfilent leur uniforme, puis ils passent au tri où le régulateur leur remet leur arme de service. Ensuite, ils entrent dans le garage, là, à l'abri d'un regard indiscret, ils stationnent leur véhicule, qu'on appelle ici dans le jargon les blindés. Vu de l'extérieur, il s'agit de petits camions blancs à l'allure effectivement très renforcée. Une fois à l'intérieur, on découvre un univers protégé, cloisonné. Les portes sont très lourdes, les vitres, épaisses d'une dizaine de centimètres, sont à l'épreuve des balles. La carrosserie, elle, est en acier trempé. Elle peut résister à un tir de lance-roquette. Bref, des forteresses sur quatre roues. Des engins hors normes qui doivent dissuader les braqueurs et dans lequel tout est fait pour qu'en théorie, jamais on ne puisse se faire voler l'argent. Ce matin-là, ils sont trois à s'installer à bord du premier véhicule. À l'arrière, à côté des coffres, on trouve Didier Matrundola. Devant, côté passager, il y a Philippe Ferrero et le chauffeur, un certain Tony Musulin. Comme à chaque départ, les mines sont graves, les regards concentrés, on s'observe, on se prépare. Dans la tête de ces hommes habitués à défier chaque jour le danger, revient avec insistance la même pensée, celle qui leur dit « Tout devrait bien se passer aujourd'hui, reste sur tes gardes et tu rentreras chez toi ce soir. » Il est un peu plus de 8h20 ce jeudi 5 novembre lorsque le camion blindé de la Lomis démarre. Au volant, Tony Musulin manœuvre. L'imposant véhicule sort du garage au ralenti, puis prend la direction du centre fort, point de passage obligatoire avant le départ en tournée. Situé quelques rues plus loin, le centre fort est un bâtiment discret et ultra protégé. Car c'est ici que se trouve la caisse centrale de l'agence de transport de fonds, là où on stocke l'argent en provenance des banques. Une fois le camion sur place, le dispatcher remet à Tony Musulin la feuille de route de l'équipe. Ce matin, les trois convoyeurs et leurs blindés doivent aller à la Banque de France, puis au siège de la société Transval, avant de faire le chemin inverse et revenir déposer l'argent au centre fort. Le dispatcher donne aussi à Tony Musulin les bons de commande, des sommes à récupérer. Au total, les convoyeurs transporteront ce matin-là un pactole de 11,605 000 euros. Aujourd'hui, la circulation est fluide dans les rues de Lyon. Le fourgon repart à une allure, disons, tranquille. Quelques minutes plus tard, le véhicule blindé arrive rue Pierre-Sémard, au siège de la Banque de France. Il pénètre dans la cour fermée, puis il s'arrête. Le moteur, lui, continue de tourner, comme le veut la consigne. Les règles de la Lomis sont claires. Lors d'une tournée, chaque convoyeur doit se cantonner à son rôle, rien de plus. Toute prise d'initiative ou changement de dernière minute est formellement interdit. Mais comme à chaque fois qu'il est là, Tony Musulin fait jouer son ancienneté et s'arroge les fonctions de ses deux autres collègues. Bref, il joue les chefs de bord. Il réceptionne les sacs de la banque et vérifie par rapport au listing si tout est en ordre. Cette fois, le compte est bon. Ils ont bien 11 605 000 euros entre les mains. Mais en violation de toutes les règles, Musulin signe lui-même le bordereau d'échange. Bon, personne ne s'en offusque. Puis, les trois hommes chargent l'argent dans le véhicule. Ils referment les portes et verrouillent toutes les sécurités. L'opération aura duré en tout et pour tout une demi-heure. Ensuite, le blindé de Lomis ressort de la cour. Il reprend sa route vers sa prochaine destination. Au volant, Musulin ne prononce pas un mot. Il descend la rue de Gerland, puis tourne rue Croix-Barret comme prévu sur l'itinéraire. Mais soudain, il prend un virage serré à droite pour remonter une petite rue déserte. Philippe Ferrero, son copilote, sursaute. Pourquoi changement? Pourquoi prendre ce chemin? Il regarde Musulin, mais le chauffeur esquive le regard de son collègue et reste les yeux fixés sur la route. Arrivé en haut de la rue, quelques instants plus tard, Musulin enchaîne un nouveau virage et rejoint finalement l'itinéraire de départ. Ce n'était sans doute rien, se dit Ferrero. Musulin a sans doute voulu prendre un raccourci. Voilà tout. Ce métier rend vraiment parano. À 9h45, les convoyeurs arrivent enfin au siège de la société Transval. Musulin se gare à 5 mètres des locaux. Philippe Ferrero et Didier Matrundola descendent du camion, puis disparaissent dans le sas de sécurité. Comme le veut la règle, Musulin reste seul à bord. Les minutes passent, tout est calme. À l'intérieur du bâtiment, les deux convoyeurs finissent de préparer les sacs. Ils signent les bordereaux, tout est ok. Alors on remonte dans le camion, on dépose l'argent et on rentre au centre-fort. Mais là, rien ne va se passer comme prévu pour les deux convoyeurs. Car à peine ont-ils franchi le sas de sécurité pour sortir, qu'ils constatent que leur fourgon, a disparu. Ils racontent. Donc on récupère ses fonds. Mon collègue Philippe sort pour sécuriser ma progression jusqu'au camion. Et là, j'ai dit à Didi, il n'y a plus de camion. J'ai pas compris, je lui ai dit arrête, tu me fais une blague, c'est pas possible. J'ai dit oui. Bah. Donc automatiquement, on est rentré dans l'agence. Donc on a laissé les fonds, puisqu'on ne pouvait pas se balader avec des fonds. Et on est ressorti. Et on a commencé à faire des appels sur Tati Walki, qu'il avait dans le camion. Ne répondons pas, on a pris le téléphone. On a essayé de l'appeler. Et tout de suite après, on a averti notre hiérarchie, quoi, dans les minutes qu'on suivit, quoi. On s'imagine tellement de scénarios qu'on n'arrive pas à trouver une solution plausible. On se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ça peut pas arriver. On a été voir s'il n'y avait pas, je sais pas, des douilles par terre. Bah, est-ce qu'il s'est fait prendre en otage? Est-ce qu'il n'a pas eu le choix? Est-ce que du fait qu'il n'était pas très bien quelques jours avant, est-ce qu'il est rentré au centre parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il était malade? Enfin, on s'est posé des tas de questions. Et puis après, bah, ça fuse dans votre tête, ça fuse. Vous ne comprenez pas ce qui arrive. Didier Matrundola et Philippe Ferrero appellent dans la foulée leur responsable chez Lomis. Ils lui expliquent la situation. Au bout du fil, l'homme n'en revient pas. Sur son ordinateur, il tente de géolocaliser le fourgon. Mais aucun signal n'apparaît. Le système GPS du véhicule semble hors service. L'homme appelle à son tour la police. En l'espace de quelques minutes, l'alerte est donnée à tous les véhicules de patrouille des forces de l'ordre à Lyon et dans sa banlieue. Deux heures plus tard, les policiers retrouvent enfin la trace du fourgon. Celui-ci a été abandonné à quelques centaines de mètres seulement du lieu où on avait déclaré sa disparition. Sur place, rue de Montagny, les hommes de la police judiciaire de Lyon se déploient. À leur côté, il y a aussi les officiers de la brigade de répression du banditisme, une unité spécialisée dans les braquages de grande envergure. Un peu plus loin, on trouve les experts de la police scientifique. Ils inspectent de manière chirurgicale le véhicule, relevé ADN, analyse d'empreintes. À leur fenêtre, les voisins observent la scène, tels des spectateurs amusés. Au loin, derrière les gyrophares des véhicules de police, on aperçoit l'arrière du véhicule blanc d'Alomis. Sur les lieux, aucune trace des chauffeurs, Tony Musulin, aucune trace non plus des 11 millions d'euros qu'il transportait. Lorsqu'il arrive sur place, le convoyeur Didier Matrundola raconte ce qu'il a découvert. Quand je suis arrivé, apparemment, le moteur effectivement tournait, les essuie-glaces fonctionnaient, les feux étaient allumés et... La porte à l'arrière était fermée, mais enfin ouverte. Il n'y avait qu'à simplement la tirer pour ouvrir et rentrer en fait par l'arrière du camion. Je me suis mis au volant. Je me disais, mais t'es où, Tolly? T'as fait quoi? Je veux dire, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi cette histoire, quoi? C'est quoi ce délire? Dans les locaux de la police judiciaire de Lyon, l'enquête démarre sous l'œil du commissaire de la BRB, Judicaël Ruby, en charge de l'affaire. Premier à être interrogé, les deux convoyeurs qui faisaient équipe avec Tony Musulin lors de la tournée. L'un après l'autre, Philippe Ferrero et Didier Matrindola racontent, minute après minute, le récit de la matinée jusqu'à la disparition du fourgon et de leurs collègues sur le parking de Transvaal. Par la suite, les policiers auditionnent les responsables de la société Lomis. Et là, surprise, on découvre que les billets chargés dans le fourgon n'étaient pas marqués. Autrement dit, impossible de savoir quand ils seront réutilisés. Mais ce qui intéresse évidemment les enquêteurs, et en premier lieu, c'est le profil du conducteur du fourgon, le dénommé Tony Musulin, toujours activement recherché. Pour tenter d'en savoir un peu plus, on passe le personnel de Lomis au crible. Et très vite, les enquêteurs récupèrent de précieuses informations. On découvre ainsi que Musulin travaille pour l'entreprise de transport de fonds depuis 9 ans. 9 ans durant lesquels il s'est construit une étonnante réputation. Pour le décrire, les deux mots qui reviennent à la bouche de ceux qui l'ont croisé sont « avare » et « mythomane ». Et puis il y a aussi toutes ces histoires qui reviennent aux oreilles des enquêteurs. La prétendue pratique intensive par Musulin du Krav Maga, cette méthode d'autodéfense développée par l'armée israélienne. Et puis il y a les soi-disant sociétés et biens immobiliers que le convoyeur se serait vanté de posséder. Mais Musulin cultivait aussi une part de secret, comme l'expliquera plus tard Nicolas Tcholakov, un convoyeur de fonds d'une société concurrente, qu'il rencontrait une à deux fois par semaine. C'est une personne qui était calme, assez discrète, qui parlait pas beaucoup de sa personne. Bon, c'est vrai que sa vie privée, on ne connaissait absolument rien, c'est vrai qu'il n'en parlait jamais. À part tout ce qui était sport automobile et tout, c'était la majeure partie de ce qu'il disait, mais assez discret dans son coin, assez distant. On le disait aussi, parfois irritable ces derniers temps, sur son travail et sur son salaire. Oui, c'est vrai qu'il en parlait. Il disait que c'était lamentable par rapport au métier qu'on faisait, les risques qu'on prenait d'avoir des salaires si minables. C'est vrai qu'il a dit qu'un jour, c'est vrai que ces choses-là se paieront. Un jour, les choses se paieront, dit Nicolas Tcholakov. Est-ce là un indice qui tenterait à prouver la responsabilité éventuelle de Tony Musulin dans cette affaire ? Pour les policiers de la BRB, impossible pour le moment d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. Toutes les pistes doivent être étudiées. Toutefois, ils ont clairement des doutes, de gros doutes sur les intentions du convoyeur. Celui-ci est d'ailleurs toujours activement recherché. Au même moment, au siège de la police judiciaire de Lyon, les enquêteurs reçoivent plusieurs documents troublants. En provenance du fichier central de la police, il y a tout d'abord le casier judiciaire de Musulin. On découvre ainsi qu'il était impliqué en 1996 dans une affaire d'infraction à la législation des stupéfiants. Certes, il s'agit là d'un délit mineur et ancien. L'information permet tout de même d'envisager une éventuelle connexion entre Musulin et les milieux de la drogue ou du crime organisé à Lyon. Mais c'est un autre papier qui interpelle les policiers. En effet, joint au dossier, il découvre un procès-verbal pour un dépôt de plainte déposé par le convoyeur 6 mois plus tôt pour le vol à main armée de sa voiture. À sa lecture, les policiers tombent des nues. Musulin était propriétaire d'une Ferrari, et pas n'importe quel modèle, une F430 rouge, un véhicule dont le prix d'achat en concession est supérieur à 150 000 euros. Alors, se demandent les enquêteurs, comment un convoyeur de fonds payé un peu plus que le SMIC peut-il posséder une telle voiture ? Une partie de la réponse se trouve dans les relevés de la situation fiscale de Musulin fournie par Bercy. On découvre que l'homme possède plusieurs SCI et qu'il est titulaire de 14 comptes répartis dans 6 banques. Des comptes courants ou d'épargne qui ont été vidés récemment. Enfin, dernier élément fourni cette fois par les spécialistes de la police technique et scientifique de Lyon. Après examen du fourgon blindé, il apparaît que le module GPS, objet qui, rappelons-le, permet la localisation du véhicule 24 heures sur 24, a été sciemment débranché de l'intérieur. De son côté, le procureur ordonne une perquisition en règle de l'appartement du convoyeur à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Les policiers s'y rendent donc. Une fois sur les lieux, il découvre un studio modeste, bien trop modeste pour quelqu'un qui roule en Ferrari. Il semble inoccupé. En revanche, les enquêteurs découvrent disposés en vrac 2 détecteurs de faux billets, 2 gilets pare-balles, des aiguilles et des seringues encore sous emballage, un sac en plastique bourré de munitions de différents calibres et répartis un peu partout, un nombre incalculable de clés de tout modèle, certaines assemblées par trousseau, d'autres non. Pour le commissaire Ruby et ses hommes, ce Tony Musulin cache quelque chose. Oui, mais quoi? L'enquête se poursuit. Et en cette fin de journée, l'affaire du braquage et de la disparition du butin de la Lomi s'affiche désormais en une de l'actualité, comme ici, dans le journal de 20h de France 2. On en vient à ce hold-up rocambolesque à Lyon. Je vous le disais, on l'a appris en fin d'après-midi, une dizaine de millions d'euros ont été dérobés. Le fourgon de transport a tout simplement disparu pendant un arrêt avec le chauffeur au volant. Bonsoir Benoît Guédret, vous êtes en direct sur place et vous avez des précisions. Alors ce soir, les enquêteurs de la police judiciaire travaillent sur deux hypothèses qui sont finalement simples. Soit le chauffeur est victime, soit il est l'auteur. S'il est victime, on peut imaginer qu'il a agi sous la menace par exemple sur un proche qui serait retenu en otage. S'il est l'auteur, ce serait alors un vol sans précédent en France. Je vous rappelle la somme, près de 11 millions d'euros. Dernier point important, d'après les syndicats de convoyeurs de fonds que nous avons pu interroger ce soir, normalement, le chauffeur du camion n'a en aucun cas accès au coffre du véhicule. Vous voyez ce soir, David, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent à propos de cette mystérieuse disparition. Vendredi 6 novembre, dans les locaux de la brigade de répression du banditisme à Lyon, les policiers sont toujours à pied d'œuvre. Les incertitudes de la veille laissent place aux certitudes du lendemain. En effet, grâce au relevé téléphonique de Musulin, les enquêteurs remontent jusqu'à une agence de location. Quelques semaines plus tôt, le convoyeur a loué une Renault Kangoo, un véhicule utilitaire idéal et discret pour transporter du matériel ou même des sacs de billets. Puis, on apprend qu'il a loué également une moto BMW de gros cylindres. Résumons, une voiture, une moto, pourquoi ces deux véhicules? Musulin n'était-il donc pas seul? Autrement dit, avait-il un complice? Dans le même temps, les auditions se poursuivent. Les enquêteurs cherchent à savoir où le convoyeur en fuite aurait pu trouver refuge. Chez un ami, peut-être, ou dans la famille. Il n'en est rien. Au contraire, il découvre que le père de Tony Musulin n'était même pas au courant que son fils exerçait le métier de convoyeur de fonds. Ça invite alors dans l'enquête la piste yougoslave. Oui, car Tony Musulin est d'origine serbo-croate et il a, selon certains, gardé des liens familiaux sur place. Alors, aurait-il pris la fuite vers Belgrade? Se serait-il réfugié dans les Balkans? Les hommes du commissaire Ruby tournent en rond. D'abord l'argent sur les comptes, puis la Ferrari, ensuite la voiture de location, désormais la possible fuite en Yougoslavie. Dans cette affaire, tout semble les orienter dans des directions différentes. Pourtant, la chance va s'inviter dans leur enquête. En fin d'après-midi, les policiers reçoivent un coup de téléphone d'un père et son fils qui prétendent avoir retrouvé au pied d'une bretelle du périph' de Lyon un sac en plastique dans lequel figurent des étiquettes « Banque de France ». Les enquêteurs se précipitent sur place. Ils récupèrent les étiquettes et analysent les éléments disséminés. À côté du sac plastique, ils découvrent une petite clé et un antivol. Cette clé, justement, elle appartient à la Lomis. On la surnomme la notice bleue, car elle est censée rester entre les mains du responsable transport de la compagnie. Elle permet, entre autres, d'ouvrir les coffres à l'arrière du fourgon. Personne, pour le moment, n'avait évoqué sa disparition. Alors, on réinterroge les convoyeurs et les autres responsables de la société. Et là, nouveau coup de théâtre. On découvre qu'au mépris de toutes les consignes de sécurité, c'est Musulin qu'il avait avec lui, attaché à sa ceinture, lorsqu'il est parti en tournée. Interrogé sur France Inter, Kader Benguesh, représentant CGT chez Lomis, pointe les erreurs et les manquements graves qui ont rendu un tel braquage possible. En fait, il y a des procédures de transfert de fonds qui doivent être exécutées. Si on applique les procédures, ce genre d'impair, le fait que le salarié soit parti avec le véhicule et les fonds dedans, n'aurait jamais dû se passer. Il y avait déjà plus d'argent que n'aurait dû emporter le camion. Ensuite, le camion n'aurait pas dû s'arrêter. Donc les convoyeurs n'auraient pas dû descendre. Le fait de s'arrêter, ça donne de la possibilité aux convoyeurs de se retrouver tout seul, de fermer les portes et de se sauver. Donc, c'est tout amené à rendre possible le coup, quoi. Samedi 7 novembre, voilà désormais 48 heures que la police est sur la trace de Tony Musulin. Sur la trace aussi, et peut-être même surtout, des 11 millions 6 que le convoyeur aurait, selon toute vraisemblance, dérobé. C'est à ce moment précis qu'un nouveau témoignage vient relancer l'enquête. En milieu de journée, un homme appelle la police. Il explique avoir reconnu le signalement et la photo de Musulin à la télé. Et l'individu affirme aux enquêteurs qu'il lui louait un garage fermé depuis quelques mois, un box. Les hommes de la BRB prennent l'information très au sérieux. D'autant que le box numéro 105 se trouve non loin de l'endroit où on a retrouvé le fourgon blanc de la Lomis, celui qui avait disparu avec Musulin, manifestement au volant. Arme à la main, gilet pare-balles sur épaule, les policiers se présentent sur les lieux. L'endroit est isolé. Le garage se situe en effet dans un coin reculé, au fond d'un sous-sol. Aux alentours, tout est calme. Les hommes avancent, prudemment, car si Musulin se cache à l'intérieur, il y a un risque qui ne se laisse pas faire. Est-il armé? Est-il prêt à en découdre? Personne ne le sait. Les hommes de la BRB se mettent en place, de part et d'autre de la grande porte métallique. L'un d'eux insère la clé dans la serrure, actionne la poignée. Dans un bruit grave, la porte métallique bascule en arrière. Et là, les policiers s'aperçoivent qu'ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Que je chéris, chéris que j'aime. Et puis, regardez pousser le lierre, la guitare en bandoulière. Même si je ne suis pas hippie, hippie, hippie chic, mais quand même. Je serai dilettante, mort de rire, en sentant la mort venir. Du moins, j'espère, j'espère. Je serai dilettante à temps partiel, jusqu'à l'autre bout du ciel. Du moins, j'espère. J'espère en revoir. Lyon, presque. Samedi 7 novembre 2009, Lyon. Il est un peu plus de 18h30 lorsque la porte métallique du garage souterrain s'ouvre. Torche électrique et arme à la main, les policiers scrutent les lieux. Sur le coup, il découvre une Kangoo blanche au capot ouvert, celle que Musulin a louée au concessionnaire de Villeurbanne quelques semaines avant le braquage. Derrière, ils aperçoivent une grande bâche bleue qui semble recouvrir quelque chose. Alors, il desserre le frein à main du véhicule et pousse la Kangoo hors du box. Les hommes s'approchent de la bâche. Qu'y a-t-il dessous? Un corps. L'un d'eux attrape le plastique bleu. Il le tire et il découvre un tas de sacs plastiques remplis de billets et de cartons. À première vue, il semble s'agir d'une partie du butin du casse. L'ensemble est transporté à la Banque de France pour y être compté. Après calcul, la note tombe. La saisie dépasse les 9 millions d'euros. Les policiers viennent de mettre la main sur les trois quarts du butin dérobé dans le fourgon. La prise est belle. Les hommes de la BRB reprennent enfin la main dans l'enquête. Et ils veulent pour l'instant garder cette découverte secrète afin de piéger Musulin si celui-ci venait à revenir chercher le magot. Mais la nouvelle, décidément trop belle, fuite dans les médias. Ainsi, quelques jours plus tard, pris de court, le procureur de la République rend l'information publique lors d'une conférence de presse. Face aux journalistes, le procureur va même plus loin et affirme que Musulin semble avoir agi seul. En l'état de tous les éléments de l'enquête à ce jour, c'est lui qui a loué le box, c'est lui qui a loué le véhicule, c'est lui qui est parti avec le camion. Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer, de dire que c'est autre chose qu'une action solitaire qu'a menée cet individu. Au même moment, Internet devient l'épicentre d'un phénomène inattendu. Sur la toile, le nom de Tony Musulin et la photo de son fourgon blanc reviennent sans cesse au cœur des échanges sur les forums, dans les profils Facebook et sur des sites de vente d'objets en tout genre. En ces temps de crise, le convoyeur ne passe pas pour un braqueur. Oh que non. On le considère presque comme un héros, une sorte d'Arsène Lupin des temps modernes, celui qui vole les riches, à savoir la banque. Et surtout, qui le fait sans le moindre accès de violence. D'ailleurs, preuve de cet effet de mode, quelques jours après le casse, l'agence de Villeurbanne qui avait loué la Renault Kangoo au convoyeur et que celui-ci a vraisemblablement utilisé lors de son braquage, eh bien, cette même agence lance une grande opération publicitaire dans laquelle elle se vante d'avoir été l'un des maillons du plan de Musulin. Mais oui. De son côté, l'homme le plus recherché de France reste toujours introuvable. Dans leur rédaction, les journalistes spéculent, les enquêteurs de la police piétinent. Qui peut alors imaginer que tout va prendre fin moins d'une semaine plus tard, sur la Côte d'Azur, à quelques pas de l'un des plus prestigieux casinos du monde. Lundi 16 novembre, les rues de Monaco sont désertes. Quelques bolides circulent en ville et font hurler leur moteur près de l'église Sainte-Dévote, dans le célèbre virage du circuit de Formule 1. Vers 12h45, un homme se présente au commissariat de la cité monégasque. Il sonne à la porte. Personne. Il sonne une deuxième fois. Un policier lui ouvre. L'homme vêtu d'habit noir et d'une casquette sur la tête lui tend sa carte d'identité. Il explique qu'il est français et qu'il est recherché par la police. Dubitatif, l'agent emmène l'homme à l'intérieur et vérifie le nom sur son ordinateur. Une fiche Interpol bleue apparaît alors sur l'écran. Le policier compare la photo qui s'affiche au visage de l'homme assis devant lui. Aucun doute possible, cet individu qui vient de se rendre au commissariat de la principauté, c'est Tony Musulin. Interrogé par les journalistes, le directeur de la Sûreté publique du Rocher, André Mühlberger, explique que l'homme le plus recherché de France vient d'être placé en cellule avant d'être extradé. Il décrit à quoi ressemble Musulin lorsqu'il se présente au commissariat. Il avait une barbe d'une dizaine de jours, il avait l'air un peu fatigué, mais c'était quelqu'un qui était assez athlétique et qui présentait bien. Il avait quelques effets vestimentaires, pas d'argent, voilà. 3 heures plus tard, en milieu d'après-midi, sur le parking du jardin botanique de la ville, Tony Musulin est remis à la police française, direction Nice, avant de rejoindre Lyon. L'homme qui était bavard avec la police monégasque, pourtant, change de ton. Face aux policiers français, il se mure dans le silence. À 23h, Musulin arrive au siège de la police judiciaire de Lyon. Sa première audition a lieu en pleine nuit. L'ancien convoyeur refuse de répondre aux questions des policiers, comme l'explique le procureur Xavier Richaud. Depuis hier, il se contente de refuser de répondre à toutes les questions qui lui sont posées, notamment à la fois sur le vol, sur le fait qu'il soit revenu en France. Il oppose un silence qu'il n'explique pas et qu'il n'a pas envie d'expliquer aujourd'hui. Naturellement, il n'a pas reconnu le vol, donc nous n'avons pas d'autres éléments que les éléments matériels que nous avions depuis le début de la procédure. Au bout de 48 heures de garde à vue et 5 auditions, durant lesquelles il n'a pas prononcé un mot ni signé le moindre procès verbal, Tony Musulin est présenté au juge d'instruction. Celui-ci ordonne sa mise en examen pour le vol du fourgon blindé de la Lomis, mais aussi pour un autre fait qu'on lui reproche. Souvenons-nous, dans le dossier de la plainte pour le vol avec arme de sa Ferrari, qu'il avait déposé 6 mois plus tôt, les enquêteurs avaient découvert qu'il s'agissait d'une tentative d'escroquerie à l'assurance. Car Musulin aurait emmené la voiture en Serbie pour la revendre avant de prétendre qu'elle lui a été volée. Bref, une pierre de coups pour la justice. Dans les semaines qui suivent, Tony Musulin fait la navette entre la maison d'arrêt et le palais de justice de Lyon. Accompagné de ses deux avocats, Christophe Côté-Bretonnier et Hervé Bambanaste, il est entendu par le juge d'instruction, Dominique Brault. Entre les deux hommes, un bras de fer psychologique s'engage, car le juge doit faire vite, et c'est là l'une des grandes particularités du dossier. Il n'y a dans cette histoire ni arme, ni violence, ni complice, rien qui puisse aggraver le délit. Autrement dit, le juge doit clore son enquête au plus vite, sinon Musulin pourrait sortir de détention. Alors Dominique Brault questionne et re-questionne l'individu, il n'obtient pas grand-chose, en tout cas rien, sur la question centrale des 2,5 millions d'euros toujours manquants. C'est ce que confirme l'un des deux avocats de Musulin. Monsieur Musulin dit « Je ne sais pas où sont passées les sommes qui étaient en dehors du box qu'il avait lui-même loué. » Il l'ignore. C'est une question qu'il faut poser à d'autres personnes, certainement pas l'avocat de la défense. Moi, je défends Tony Musulin. Tony Musulin a reconnu avoir dérobé cette cargaison de billets, parce qu'on parle de cargaison, hein. Il faut voir ce que ça représente et ce que ça pèse. Pour le reste, chacun son travail. L'autre question porte sur le séjour italien de Tony Musulin dans le Piémont, à Rome et à Naples. Qu'est-il allé faire ? Il refuse de répondre. D'autant qu'entre les trajets qu'il admet avoir faits, le total du compteur kilométrique de sa moto, il reste 672 km pour lesquels il n'apporte aucune explication. Alors, où est-il allé ? Le procès de Tony Musulin s'ouvre le 11 mai 2010. Pour l'occasion, on réquisitionne la grande salle du palais de justice de Lyon. Sur les bancs du public, on retrouve de nombreux journalistes. Présents quelques rangs derrière, des membres de la police de Lyon qui ont participé à l'enquête. Il y a aussi, et bien sûr, des curieux. Et même quelques gros profils, comme on dit, des braqueurs habitués à être ici en tant qu'accusés, et dont on devine l'intérêt et la curiosité. Ils ont devant eux le Mozart du braquage. Présents eux aussi, bien sûr, les deux convoyeurs qui accompagnaient Musulin le matin du vol, Didier Matrondela et Philippe Ferrero. Et comme l'expliquera par la suite ce dernier, Tony a tout simplement pété les plombs le 5 novembre dernier. Les réponses, c'est Tony qui les a. Voilà. Il a pété un câble. Au lieu de s'immoler ou de se tuer comme à France Télécom, 25 suicides, bah lui, il a dit, vous voyez, ça va mal dans nos boîtes. On nous prend pour des cons. C'est la productivité, on ne vous paye pas. Il n'y a pas de remerciement, il n'y a rien. Vous nous volez sur nos salaires et compagnie, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous faire ça. Voilà. Mais il aurait pu finguer quelqu'un. Il ne l'a pas fait, il a pris le fric, il s'est barré. À la barre, Musulin bat ses cartes. Il raconte son histoire, celle d'un homme normal. Puis il parle des frustrations qui mènent à la colère et le désir de frapper un grand coup. Comme seule ligne de défense, il se place en position de victime d'un système qui l'humiliait jour après jour. Quelques minutes plus tard, c'est le délégué syndical de l'OMIS, Kader Benguesh, qui vient appuyer son témoignage. Devant le juge, l'homme réaffirme que la l'OMIS ne respectait pas les règles de sécurité et jouait avec les consignes comme bon l'arrangeait. Il dénonce aussi la pression économique sur les convoyeurs. Le juge n'est pas convaincu. Alors il le relance sur la Serbie, la Ferrari, sur l'argent aussi, et Musulin ne dit rien. Les juges rendent leur verdict dans la soirée. Musulin est condamné à 3 ans de prison, le maximum pour un vol sans violence. Mais le procureur, qui ne l'entend pas de cette oreille, fait appel de la décision. 6 mois plus tard, le nouveau verdict tombe et là c'est 5 ans ferme. Les avocats de la défense crient au scandale, à l'acharnement. Les juges, eux, justifient leur décision par l'organisation et la détermination du convoyeur. Mais aussi, et surtout, pour éviter toute envie que pourrait avoir quelqu'un de l'imiter. Incarcéré à la maison d'arrêt de Corbas à Lyon, Tony Musulin effectuera l'intégralité de sa peine avant d'être transféré pour les 6 derniers mois à la prison de la santé à Paris. Libéré le 29 septembre 2013, il vit depuis à l'écart et dans la plus grande discrétion. Quant à l'argent, les 2,5 millions d'euros, eh bien personne à ce jour ne sait où il est. Une instruction contre X est d'ailleurs toujours en cours pour le recel de ces pactoles évanouis dans la nature et qui suscite encore aujourd'hui fantasmes, rumeurs, convois. Et convoitise. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Tony Musulin, le convoyeur devenu voleur. Notre invité, notre consoeur Alice Géraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-rédactrice du site d'information Les Jours. Vous avez donc rencontré Tony Musulin plusieurs reprises lors de sa détention. L'ex-convoyeur vous a confié son histoire. Vous en avez tiré un livre intitulé « Tony 11.6 », enfin ça veut dire 11 millions d'euros et 605 000 euros, hein, et sur lequel justement est basé le film éponyme. Le livre est paru en 2011 aux éditions Stock. Vous l'avez rencontré donc pour la première fois au mois de novembre 2010 à Lyon, dans les parloirs de la maison d'arrêt de Corbas. Il est alors placé à l'isolement. Quel est l'homme que vous découvrez finalement ? Alors la première fois que je le vois, en fait j'ai eu l'autorisation pour le rencontrer après sa condamnation en appel. Donc en 5 ans. Il est passé de 3 ans à 5 ans. Ouais, qui est passé à... Il vient d'apprendre qu'il a été condamné à 5 ans de prison. Ça fait un an qu'il est, à peu près un an jour pour jour, qu'il est en prison, donc à l'isolement, comme vous le rappeliez. Ce qui est un peu particulier. Il est à l'isolement parce que lorsqu'il arrive en prison, un an plus tôt, après sa reddition extrêmement médiatisée, vous disiez qu'il avait été, son cas avait suscité quelques convoitises à son procès. On a vu quelques figures assez connues du banditisme. Faut dire voir s'il y avait quelques informations à glaner. Mais lorsqu'il est arrivé en prison après sa reddition, ça a suscité, il le raconte très bien, à la prison de Corbas, une sorte d'émotion et aussi de convoitise. Les autres prisonniers, les autres détenus voulaient lui parler, savoir où, comme tout le monde, où était le magot. Donc il est dans une situation très compliquée en prison, ce qui justifie son isolement. Donc un an à l'isolement, c'est très long. Donc c'est une mesure de protection en fait. Mais c'est une mesure. C'est une mesure de protection. C'est dur à vivre, mais ça. Il semble que ça l'arrangeait. Il avait assez peu envie d'être à côté des détenus. Et la première fois que je suis censée le voir, alors c'est pas tout à fait au parloir, c'est ce qu'on appelle les parloirs avocats, qui sont pas ouverts, qui sont des petites pièces, des petits réduits de 2 mètres carrés sans poignée à l'intérieur. C'est un endroit assez froid, assez hostile. Et la première fois, en fait, il ne vient pas. Il ne vient pas, à la fois pour me montrer que c'est à peu près son dernier espace de liberté en prison, il a le droit de dire non alors qu'il m'avait autorisé à venir, et aussi je le comprends parce que pour la première fois depuis un an, ça lui fait traverser l'intégralité de la prison de Corbas. Il estime que le parcours est dangereux. Il est pas forcément à l'aise, et je comprends très vite pourquoi, puisque je l'attends toute une matinée entière devant ce parloir avocat. Et il y a plusieurs détenus qui vont voir leurs avocats et qui me disent « Vous venez voir Musulin ?» Voilà, et qui posent des questions. Et je comprends effectivement quelle est la pression sur lui. Et ses avocats, à ce moment-là, le voyaient pas au parloir avocat, le voyaient au quartier d'isolement. Donc c'était vraiment la première fois qu'il devait traverser cette prison depuis son entrée fracassante. Et donc... Les autres fois, il vient. Donc c'est la première fois, en fait, il vous pose un lapin. Il vient pas, il me pose un lapin, voilà. Deuxième fois, il vient. La deuxième fois, il vient. Donc il me donne l'autorisation pour ce livre, de se confier, alors qu'il n'a accepté aucune visite en prison, pas même sa famille. Il refuse son père, il refuse son cousin, il refuse ses proches, il refuse son ex-compagne, il refuse tout le monde. C'est tout le paradoxe de ce garçon qui, donc, autorise une journaliste. Moi, je ne le connais pas, son histoire m'intéressait. Et donc la première fois, il ne vient pas. Et la seconde fois, il décide de répondre qu'à certaines questions, voire à de longs moments de silence dans ce réduit de 2 mètres carrés sans poignée de porte. Ça vous a marqué, ce détail-là ? Oui, ça m'a marqué parce que c'est un personnage assez impressionnant. Il est physiquement assez impressionnant. C'est une espèce d'armoire de muscles. Il faisait énormément de sport de combat, prétend-il. Et c'est quelqu'un qui est en permanence dans la provocation, à vouloir montrer qu'il peut avoir le pouvoir. Même après une condamnation à 5 ans d'emprisonnement, dans une configuration où il n'est pas en position de force. Et il me raconte... son personnage, peut-être plus que sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raconte une histoire, ce qu'il faisait dans sa vie précédente. C'est quelqu'un qui compartimente énormément et qui se crée des personnages, et ce qui se fait, ce qui est assez simple en fait dans sa vie de convoyeur, qui est une vie extrêmement compartimentée, où à l'extérieur on ne dit pas qu'on est convoyeur. pour des raisons de danger que vous avez rappelées dans, dans la première partie de l'émission. Et donc, il est d'autant plus facile de se construire des vies. Et quand je le vois, il essaie de ne pas perdre la face. Et il se construit un nouveau personnage. Et une des premières fois où je le vois, il me laisse entendre que son histoire est plus compliquée que ce qu'il n'y paraît. Et il me parle beaucoup du gang des Pink Panthers. Ce groupe de braqueurs serbes polyglottes qui commet des braquages presque cinématographiques dans toute l'Europe. Et voilà, il se construit par bribes des personnages, il laisse entendre des choses, et puis finalement, de rendez-vous en rendez-vous, il va finir par se confier et à laisser tomber quelques pans de ce personnage. Et là, vous réussissez à lui faire parler de l'affaire, parce que bon, il y a son parcours, il y a sa vie, c'est intéressant, pour en faire un livre. Hein. Enfin, le cœur du livre, c'est quand même l'affaire. Alors, il parle... Donc, sur l'affaire, comment il est? Vous le sentez prêt à vous dire des choses? Comment Alors, ça se passe? Il y a deux choses. Il a quelque chose qu'il a déjà dit au procès, qui est une sorte de revendication de l'acte, et que vous rappeliez tout à l'heure, qui est j'ai volé les banques et j'ai humilié ceux qui m'ont humilié, moi et les miens, convoyeurs maltraités. Et ça vous y croyez? Vous pensez-vous que c'est quand même l'appât du gars, rien que ça? Et qu'en fait, il se construit une image pour pas qu'on dise que ça n'est qu'un voleur, pour qu'on dise que c'est une sorte d'Arsène Lupin social, quoi. C'est plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, c'est sa stratégie de défense, en tout cas, qui est une très bonne stratégie, même s'il a été condamné à la peine maximale, parce qu'effectivement, son employeur est en faute sur énormément de points qui ont été rappelés durant le procès, que je rappelle dans le livre. Normalement, il n'aurait pas pu, si son employeur respectait les règles de sécurité, il n'aurait jamais pu commettre ce... Alors, on dit braquage, en réalité, c'est pas un braquage, puisque c'est sans armes. Et sans violence, d'ailleurs. Et donc, c'est une partie de la vérité. Oui. Ce n'est pas qu'une construction, parce que, de fait, c'est quelqu'un qui, depuis des années, du peu qu'il parlait, était en permanence dans la revendication face à son employeur. Ça fait partie du peu de choses dont il parlait dans son métier, c'était les humiliations. Il avait plusieurs fois failli en venir aux mains avec ses supérieurs. C'était quelqu'un qui était dans une colère profonde. Donc ça, c'est vrai, c'est pas ça, fin. Ça, c'est vrai. Non, d'accord. Ça, c'est pas fin. C'est pas fin du tout. Mais c'est une partie de son histoire. Alors, justement, on va y revenir. Durant le récit, vous avez pu entendre la voix des deux autres convoyeurs qui accompagnaient Musulin le matin du vol. Ces archives proviennent de l'émission intitulée Les Pieds sur Terre de France Culture. Je vous propose d'en écouter un nouvel extrait. C'est Didier Matrundola, donc l'un des deux convoyeurs qui l'accompagnait, qui s'exprime. Et cette fois, il est question, justement, des pratiques et des dérives chez le transporteur de fonds, l'OMIS, des propos qui font écho aux vôtres. L'OMIS, ça a été du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il se foutait de tout ce qui était procédure de sécurité les plus basiques, au point, je veux dire, de laisser faire tout et n'importe quoi au sein de l'entreprise au niveau interne. Moi, la question, depuis que Tony est parti avec le camion, c'est comment il a pu le faire ? Comment une seule personne a pu se foutre complètement de tous les systèmes de sécurité mis en place par une société de transport de fonds qui est très sécurisée, très réglementée, avec des règles très strictes, avec des arrêtés préfectoraux, avec tout un cahier des charges qui est très très lourd. Comment il a pu faire ? Voilà, donc ça valide ce que vous disiez. Donc ce premier élément, il est vrai. Bon, mais il y a le deuxième élément. Quand on en veut à son entreprise, on lui pique pas forcément son argent. Alors là, il y a quand même quelque chose de vénal aussi. Il y a ce deuxième volet-là. Non, mais il en veut à son entreprise, mais cette entreprise lui donne la possibilité de le faire. Je reviens juste un tout petit peu sur la colère de Didier Matrundola et d'autres convoyeurs. Le nom, effectivement, il explique qu'il y a des règles de sécurité. Or, effectivement, il y a des règles et elles ne sont pas respectées. Or, ce qu'on oublie un petit peu, c'est la peur dans laquelle vivent en permanence les convoyeurs. On est à la fin des années 2000, depuis le début des années 90, le grand banditisme ne braque plus de banques, il braque des convois de fonds. Ils sont les principales cibles du grand banditisme. Ce sont les générations du banditisme. Ils sont attaqués régulièrement et de façon extrêmement violente. Ils vivent, et donc il y a effectivement un fossé entre la façon dont sont traités ces convoyeurs relativement, même très mal payés, les règles de sécurité qui ne sont pas respectées et le danger réel. Et ça suscite une colère qui va au-delà de la colère sociale, ça suscite une peur qu'on sent très présente chez les convoyeurs. Mais chez Tony Musulin, il y a effectivement autre chose. Attendez, d'abord ils sont mal payés, c'est quoi? Ils sont payés au SMIC? Payés quand Musulin rentre chez Doumis, 9 ans, donc en 2000, il est payé 1 200 euros. Après, une prime négociée par la branche va pousser son salaire à 1 400. Mais il y a très peu de convoyeurs qui gagnent au-dessus de 2 000 euros par mois, avec, au-delà du risque, qui est la partie la plus problématique du métier, des horaires compliqués, etc., très changeants. C'est des boîtes qui sont souvent rachetées. Ce n'est pas des petites boîtes. Hein. Loomis se partage le... C'est connu. Oui, 90% du marché avec la Brinks. Voilà. Ce sont des grosses boîtes, mais où les travailleurs sont extrêmement précaires, surtout au regard de leur profession et des risques. Mais pour en revenir à Musulin, il y a évidemment autre chose. C'est un personnage extrêmement particulier. Ce qu'on sait, ce qu'il me raconte en partie, ce que me racontent certains de ses proches, c'est que il se passe quelque chose dans sa vie un an avant qu'il parte, avant qu'il appuie sur cette pédale d'accélérateur sur le parking de Transvaal. Un an avant, il rompt avec une partie de sa vie, il rompt avec une partie importante de sa vie, parce qu'il rompt avec sa compagne, sans lui donner d'explication. Il rompt avec une des rares personnes de sa famille qu'il fréquentait, qui était son cousin Darko, qui était un Serbe comme lui, qui habitait en Savoie, en lui disant, en parlant d'ailleurs de cette colère contre son employeur, à ce cousin aussi, il dit un jour ils vont payer, et parce qu'il sait qu'il est convoyeur, le cousin soupçonne qu'il prépare quelque chose. Voilà. Il rompt avec tout, et puis il se met à avoir un comportement assez curieux. On sent qu'il a besoin d'argent et il se met à emprunter à 6 banques différentes. Il fait des emprunts, crédit à la consommation, pour acheter des voitures, justifie plus ou moins. Et on le retrouve, vous le rappeliez tout à l'heure, avec effectivement quelque chose comme 14 comptes en banque. On sent qu'il a besoin d'argent. Il achète une Ferrari aux enchères. C'est aussi relativement curieux. C'est curieux parce qu'il achète une Ferrari... C'est toujours un peu voyant, une Ferrari, mais celle-ci est particulièrement voyante, une Ferrari F430 rouge. Il s'en sert quasiment pas, il la cache dans un garage. C'est quelqu'un qui va au bureau dans un vieux jogging sur un vélo. Donc ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que... Ça veut dire qu'il a une partie de sa vie qui est cachée, ça veut dire qu'il a besoin d'argent à un moment. Et donc il fait cette escroquerie à l'assurance. On n'a pas exactement expliqué ce qu'il a fait. En fait, il a... Lui dit qu'il s'est fait un beau jour, 6 mois avant le fameux casse de la Loomis. Il porte plainte en Savoie pour un carjacking. Il dit qu'il s'est fait braquer sur une route de campagne, braquage avec arme. Il donne pas mal de détails. Le gendarme qui reçoit la plainte est plutôt sceptique. Mais l'affaire traîne. En réalité, l'enquête, elle va vraiment être menée quand on le soupçonne du casse de la Loomis. Et on s'aperçoit que là, les faits sont relativement clairs. Les autorités serbes, il est photographié, il passe la frontière dans un sens au volant d'une Ferrari. Il revient dans un bus. Voilà. Oui, alors ça alourdit, c'est important l'histoire de la Ferrari. Parce que ça participe de la lourdeur de la condamnation, peut-être. Parce qu'on rappelle, braquage, sans violence... Il prend le maximum. Est-ce que cette histoire de Ferrari a alourdi la peine, à votre avis? Elle a considérablement alourdi la peine. Effectivement, c'est pas un braquage. Un braquage, il risquait les assises, il risquait 10 ans, voire plus, avec des circonstances aggravantes. Là, c'est un vol simple, et le droit français est fait selon l'adage « qui vole un œuf, vole un bœuf » ou l'inverse. Et c'est-à-dire que pour un vol simple, c'est la même... La hauteur du préjudice n'a pas d'importance sur la peine maximale. Et la peine maximale, elle est de 3 ans de prison. Et ça énerve beaucoup, et les policiers, et le juge d'instruction, parce que la détention, c'est un peu technique, mais la détention provisoire qu'on fait pendant l'enquête, la durée est limitée et proportionnelle à la peine maximale encourue. Autrement dit, il n'avait que quelques mois pour enquêter en le laissant en détention. Bien sûr. Si, voilà. Et là, il se trouve que l'escroquerie à l'assurance, voire la tentative d'escroquerie, puisque là, on n'est que sur une tentative, c'est 5 ans de prison en France. Et donc, cette accusation de tentative d'escroquerie va permettre au juge d'instruction de gagner quelques mois pour l'enquête. Mais c'est presque ridicule. Ils ont 5 mois et le braquage a lieu en novembre. L'audience, il passe en procès en mai, à la dernière limite, parce qu'ils veulent pas le faire sortir, parce qu'ils ont peur qu'il ne revienne pas. Et pour un dossier aussi complexe, qui nécessite des écoutes, énormément d'actes de police scientifiques, 5 mois, on a très peu le temps d'enquêter. Alors, c'est une affaire énorme. Alors, sur la question de l'argent, les 2,5 millions, on y reviendra juste à la fin de cette interview, la question des motivations, et puis finalement le profil de Musulin, on va prendre un chemin de traverse et écouter ce qu'en dit l'acteur François Cluzet, puisqu'il interprète Tony Musulin dans le film 11,6. Nous sommes en 2013, et l'acteur répond aux questions de François Bunel pour le grand entretien sur France Inter. Un type qui a conscience qu'il gagne 1600 euros par mois, qui fait un métier où il a toutes les chances de se faire trouver la peau, comme ça arrive 2 fois par an lors des convois de fonds. Et ce type-là est sans cesse humilié. Humilié parce que au titre du rendement et du chiffre, on leur enlève toute humanité, il n'a plus d'amour propre, plus de dignité. Et plutôt que de régler ses comptes en permanence, c'est un type qui encaisse. Il encaisse, il ne répond pas, il fait de l'art martial, donc on peut penser qu'il récupère un certain sang-froid et une contenance et une maîtrise de lui-même, jusqu'au jour où il élabore un stratagème dans sa tête pour prendre sa revanche. Ce stratagème équivaut finalement à essayer de faire tomber ceux qui sont en place et qui l'ont humilié. Je ne pense pas que ce soit l'argent qui l'intéresse, mais plutôt de démanteler le processus des supérieurs. Comment vous expliquer qu'il manque du fric? Je ne sais pas. Vous savez pas grand-chose, hein, monsieur Musulin. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui savez rien. Alors, cette histoire d'argent des 2 millions et demi. Bon, je ne vais pas évidemment vous poser la question, vous dire où est l'argent, vous ne savez pas plus que moi. Quelle dimension ça a? J'imagine, c'est une grande dimension dans cette affaire. Elle est vraiment hors norme parce que il y a un fait, il y a un procès, il y a une condamnation, mais j'ai presque envie de dire que l'essentiel est encore là. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions et demi qui traînent. Il y a 2 millions et demi qui traînent. Il y a une instruction, une enquête ouverte pour recel, mais qui ne vise pas Musulin, puisqu'il s'agit de recel, donc pas, qui ne vise pas le voleur, mais l'éventuel ou les éventuels receleurs. Et donc c'est un peu tout le paradoxe de cette histoire qui a marqué essentiellement par le montant, à la fois les 11,6, puis après les 2,5 millions, et que personne ne recherche vraiment, que personne ne réclame vraiment. Musulin a volé son employeur, la Loomis, de l'argent qui n'appartenait pas à la Loomis. La Loomis s'est fait rembourser par les assurances, en partie, parce qu'elle avait commis quelques fautes de sécurité, et donc a eu quelques malus, comme en matière d'accident de voiture, donc l'affaire lui a coûté cher. Mais c'est très particulier, parce qu'effectivement, cette affaire a marqué par l'argent, et aujourd'hui, personne ne cherche réellement l'argent, alors que c'est cette question qui reste en suspens. C'est assez curieux. Après, ce qui est intéressant sur ces 2,5 millions, c'est qu'on peut penser que c'était l'argent qu'il réservait à sa cavale. Une cavale, ça coûte cher. Il avait un rapport très particulier à l'argent, parce que les 11,6 millions, il ne comptait pas les emporter tout de suite, il comptait les cacher. Il avait même construit un mur que la police n'a pas vu dans le fameux box où ont été retrouvés les 11,6 millions. Un mur invisible que la police n'a pas vu, dont il m'a expliquer la présence lorsque je l'ai vu au parloir, et je suis allée vérifier par moi-même, à mon tour, allons discrètement ouvrir la porte de ce box scellé pour vérifier. Son idée, c'était de cacher l'argent, d'attendre que l'affaire se tasse. Il n'avait pas du tout anticipé l'incroyable médiatisation de ça. Il s'est pris les pieds dans cette médiatisation. Mais son idée, c'était de cacher l'argent et d'attendre des mois, voire des années, et de revenir un jour le chercher. Bon, mais ça tient hein, pour les 2 millions et demi. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? On n'en sait rien. On ne sait pas où il est? Il vit caché, je pense à raison. Bien, merci beaucoup. Allez, Giraud, je rappelle, rappelez-nous le titre de votre livre. Tony 11,6 chez Stock. Parfait, merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Tony Musulin. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la chute de Phnom Penh en 1975, quand les Khmers Rouges prirent le pouvoir au Cambodge.